Mais c'est Arlequin qui m'embarrasse, Flaminia. Eh, je vous entends, Sylvia. Voilà un amour aussi mal placé, qui se rencontre là, aussi mal à propos qu'on le puisse. Oh, j'ai toujours eu de la malchance dans les rencontres, Flaminia. Mais si Arlequin vous voit sortir de la cour et mépriser, pensez-vous que cela le réjouisse? Il ne m'aimera pas tant, voulez-vous dire? Il y a tout à craindre. Vous me faites rêver à une chose. Ne trouverez-vous pas qu'il est un peu négligent depuis que nous sommes ici, Arlequin? Il m'a quitté tantôt pour aller manger. Voilà une belle excuse. Je l'ai remarqué comme vous. Mais ne me trahissez pas au moins. Nous nous parlons de fille à fille. Dites-moi après tout, l'aimez-vous tant, ce garçon? Mais vraiment, oui. Je l'aime. Il le faut bien. Voulez-vous que je vous dise, Sylvia? Vous me paraissez mal assorti ensemble. Vous avez du goût, de l'esprit, l'air fin et distingué. Il a l'air pesant, les manières grossières. Cela ne cadre point. Et je ne comprends pas comment vous l'avez aimé. Je vous dirais même que cela vous fait tort. Mettez-vous à ma place, Flaminia. C'était le garçon le plus passable de nos cantons. Il demeurait dans mon village, il était mon voisin. Il était assez facétieux. Je suis de bonne humeur. Il me faisait quelquefois rire. Il me suivait partout. Il m'aimait. J'avais coutume de le voir. Et de coutume en coutume, je l'ai aimé aussi, faute de mieux. Mais j'ai toujours bien vu qu'il était enclin au vin et à la gourmandise. Voilà de jolies vertus, surtout de l'amant de l'aimable et tendre Sylvia. Mais à quoi vous déterminez-vous donc? Je ne puis que dire. Il me passe tant de oui et de non par la tête que je ne sais lequel entendre. D'un côté, Arlequin est un petit négligent, qui ne songe ici qu'à manger. De notre côté, si on me renvoie, ces vaniteuses de femmes feront encore à croire partout qu'on m'aura dit « Va-t'en, tu n'es pas assez jolie ». De notre côté, ce monsieur que j'ai retrouvé ici, quoi, je vous le dis en secret, je ne sais pas ce qu'il m'a fait depuis que je l'ai revu, mais il m'a toujours paru si doux, il m'a dit des choses si tendres, il m'a conté son amour d'un air si poli, si humble, que j'en ai une véritable pitié, et cette pitié-là m'empêche encore d'être la maîtresse de moi. L'aimez-vous? Je ne crois pas, car je dois aimer Arlequin. C'est un homme aimable, je le sens bien. Si vous négligez de vous venger pour l'épouser, je vous le pardonnerai, voilà la vérité. Si Arlequin, Flaminia, se mariait à une autre fille que moi, à la bonne heure, je serais en droit de lui dire « Tu m'as quitté, je te quitte, je prends ma revanche. » Mais il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui voudrait d'Arlequin ici, rude et bourru comme il est? Il n'y a pas foule entre nous. Pour moi, j'ai toujours eu dessein de passer ma vie au champ. Arlequin est grossier, je ne l'aime point, mais je ne le hais pas. Et dans les sentiments où je suis, s'il voulait, je vous en débarrasserai volontiers pour vous faire plaisir. Mais mon plaisir, où est-il? Il n'est ni là, ni là, je le cherche. Vous verrez le prince aujourd'hui. Voici ce cavalier qui vous plaît. Tâchez de prendre votre parti. Adieu, nous nous retrouverons tantôt.